laisserait vivre entière notre histoire. Entière et d'éternité, on danserait encore sur nos pensées et se tenir comme un seul enlacé avec cet air d'éternité. Ce n'est pas qu'un réveil en enfer, c'est juste la mort d'un rêve. Et c'est de là où sont-ils passés? Est-ce l'oubli qui les a recouverts? Ils se tenaient comme un seul enlacé avec cet air d'éternité. Retourne-toi, où sommes-nous? Nous ne laisserons pas le regret empoisonner l'envie. Ce paradis-là nous a oubliés. Ne me lâche pas et refais le rêve. Je ne te perdrai plus jamais. Pas et refais le rêve, je ne te perdrai plus jamais.